Cette semaine, on parle de litro, de mastectomie et de l'expérience de passer d'un téléphone à un appareil photo. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 90. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut. Christian Jarry. Salut, Steph. Et on a un invité cette semaine, Maxime Soriol. Bonjour. Hey, bonjour, Maxime. Maxime qui est déjà venu à l'émission auparavant. Oui, ça fait quand même déjà une couple d'épisodes. Un petit bout de temps, hein? Oui. 11 mois, je pense. À peu près. Ah oui. Bon, parfait. On va faire un petit tour de table comme à l'habitude, puis Maxime pourra même nous dire qu'est-ce qu'il a fait côté photo récemment. Mm-hmm. On va commencer, à l'inverse, Christian, puis on va s'en aller vers Maxime. C'est rare. Comment ça tu me fais commencer? Pour te déstabiliser. C'est réussi. Donc, photo, encore une fois, sans grande surprise, j'ai presque pas l'occasion de sortir ma caméra ces temps-ci, fait que quand je vais avoir un spectacle, je la traîne. Mm-hmm. J'en ai profité. C'est tellement cette fois-ci. Pas prévu. Non, je sais. Mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais le mentionner aussi. J'ai fait une petite vidéo, je l'ai mis sur YouTube, mais j'ai essayé, probablement que vous l'avez vu, vous en êtes au courant, il y a des nouvelles fonctions de stabilisation d'image maintenant sur YouTube. Sur YouTube? Sur YouTube même. Okay. Puis moi, je me trouvais quand même pas si mal, là, considérant que je la tenais... à bout de bras, là, l'image était quand même pas peu stable, mais YouTube me dit « je suis capable de faire mieux ». Bon. Oui, donc regarde, vas-y, montre-moi ce que c'est. Ben, sérieux, le résultat est parfait. Ah, c'est ouais. Complètement stabilisé, l'image est très belle. Quelqu'un qui a vraiment l'œil va voir qu'il y a quelques petits artefacts là, qui arrivent à l'occasion, tout ça, mais sincèrement, le résultat est surprenant. Puis est-ce que ça coupe la résolution, ça? Parce pas tant que un ça. Un peu, mais c'est pas quelques si pixels, pire, ouais. C'est pas si mal. Okay. C'est sûr que ça en coupe un peu, veux pas, là. Mais tu sais, je t'en dis 1080p. Fait qu'on s'entend, puis c'est pour YouTube. Puis c'est, tu sais, moi en 720p, sur YouTube, je trouve ça correct. Mm-hmm. Là, fait que c'est pas si mal que ça. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas si mal. Fait que je mettrai le vidéo, là. Ben oui, un petit bonus. Ouais. Une vidéo de spectacle. Un spectacle, c'est vrai, je l'ai même pas dit. Cage the Elephant. Cage que je suis allé voir au Centre Bell là, il n'y a pas longtemps. Là, c'était très bon. Bon, parfait. François, de ton côté? Moi, j'ai... écoute, tu le sais ce que j'ai fait. Ah oui? oui, on est allé faire un contrat ensemble. oui. Oui, parce que j'ai attrapé un contrat de photo et de vidéo avec un client corporatif. Et puis, mon client me demande, est-ce que tu fais aussi de la photo? Pas juste de la vidéo. Fait que je me suis dit, oui, je peux en faire, pas de problème. Puis là, il me dit, t'aurais-tu besoin d'un assistant? Puis là, j'ai flashé, j'ai fait comme, attends une minute, toi. J'ai un assistant photographe, qu'est-ce que t'en dis? Puis là, en pensant à toi. Et puis, bingo, ça a été ça, t'as accepté. Ouais. Fait que, on est allé faire de la photo, corpo. Très cool. Puis le client est très content. D'ailleurs, je te le dis live, le client est très, très, très content. Bon, ben, excellent, yay! Bravo. Mission accomplie. Oui. Oui. Tu as fait un beau boulot aussi de post-production. Ah, merci. good. Puis, moi, de mon côté, à part ce magnifique contrat photo, j'ai fait de la photo macro. Je suis allé au jardin botanique à la toute fin de l'exposition. L'exposition Papillon en liberté. C'est vraiment cool parce que j'étais jamais allé. T'étais jamais allé pour non, vrai? Non, il y a plein de monde qui m'en parlait, mais vivre, c'est différent. Mm-hmm. Parce que, je vais vous le décrire un peu, mais le vivre, c'est différent. T'arrives dans une grande serre, si on veut, puis les papillons sont en liberté, mais c'est silencieux. Paisible. Moi, je suis allé quand les petits de la garderie et compagnie là, de prématernelle partaient pour faire leur sieste l'après-midi. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de l'heure à laquelle tu y vas, disons. Oui, c'est ça. Un tu y vas matin, vers un peu moins... une heure et demie, deux heures de l'après-midi, là, un jour de semaine. C'est très tranquille. Et, ça doit. C'était relaxant. C'était cool. Puis, on avait de la place pour marcher parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah non, oublie ça, moi, je ne vais plus là. Ça nous joue sur les nerfs tellement il y a de gens, on peut rien faire, il faut se battre presque pour avoir une photo. » Par expérience personnelle, ça fait plusieurs fois que j'y vais, faut pas que tu y ailles en fin d'avant-midi, début d'après-midi, mm-hmm. C'est mortel. C'est ça. Moi, je suis allé là, j'ai passé une heure et demie, deux heures de temps presque, parce qu'on a fait l'autre l'autre endroit, avec toutes les plantes, les arbres et compagnie, là, où il n'y a pas de papillons, mais le décor est très beau. C'est super humide, fait que tu respires super bien. J'avais des allergies cette journée-là, puis j'ai eu une petite pause d'allergie pendant deux heures. C'était magnifique. Mais c'est ça, j'ai mis mon album déjà sur Flickr, là, mon album de photos. Puis vous irez voir ça, c'est très coloré. Oui. Puis toi, Maxime, qu'as-tu fait côté photo depuis ta dernière visite ou récemment, comme tu veux? Moi, je sais pas, je suis un peu intrus parce que moi, j'utilise seulement mon téléphone cellulaire, seulement sur Instagram. Mm-hmm. C'est pas d'intrus, c'est de la photo. C'est de la photo, c'est ta méthode à toi, c'est ton parcours. Ça fait 3 ans que mon 7D sert presque plus mm-hmm. et que je fais toutes mes photos ou presque avec mon cellulaire. Fait que non, t'es loin d'être intrus. Mm-hmm. Ouais. Je pense qu'on est plusieurs dans cette situation-là aussi. Là. Ouais. Puis je me suis justement pris le nouveau Samsung Galaxy S7 pour avoir les meilleures photos. Oui. Donc, j'ai aucune idée vraiment les technicités. Moi, tant que ça marche, tant que ça prend la photo. C'est un très bon là, pour faire la photo. Ah oui, toi, t'es un créatif. La technique, on s'en fout. Toi, t'es un cadreur. Ça marche très bien. Moi, je regarde les photos que tu prends, puis c'est... Regarde. Tes concepts sont très, très bons, très intéressants. Puis, je dirais, j'ajouterais qu'il y a une photo qu'on peut prendre ça aussi avec un vieil appareil, elle va sortir impeccable. Mm-hmm. Vraiment, là, j'en ai une pour le prochain épisode à vous montrer. C'est vraiment... j'en revenais pas moi-même, avec un S3, okay. un Samsung qui date quand même d'un bon 4 ans, peut-être 5 même. 4 ans. Le S7 est sorti, ça fait pas si longtemps, fait que ça fait 4 ans, le S3. Bon, si c'est un par année, Fait que je me suis surpris moi-même. Fait que, donc, tu as imprimé un bon format ou… J'ai pas imprimé, c'est juste pour… j'ai juste décidé de pas l'imprimer. Parce que moi, quand c'était venu, le 11 mois à peu près ici, j'avais parlé que je voulais faire une expo photo. Oui. Puis j'ai jamais vraiment fait d'expo photo depuis. Ah ouais. C'est quelque chose que je remets un petit peu plus tard. Si on était à Love Story, tu pourrais m'étendre, vous pourriez me psychanalyser en direct ici. Mais c'est ça, c'est un peu ma peur. C'est que avec un appareil cellulaire, tu peux pas imprimer vraiment la photo. Parce que j'ai essayé avec du 5 pouces par 5 pouces au bureau en gros qui a un peu de McDonald's des imprimeurs, là, mais ça sortait pas trop bien. Moi, je joue pas mal avec les filtres, avec les saturations. Effectivement, j'avais déjà testé plusieurs endroits, des pharmacies comme chez Jean Coutu, Pharmaprix. Pour les auditeurs européens ou français, on s'excuse, mais c'est les commerces qu'il y a ici. Mm-hmm. Il y a chez Costco. Que le résultat est quand même très bien. Des excellentes photos. Puis il y avait. Pharmaprix, c'était bien pour une pharmacie. Mm-hmm. Jean Coutu, correct, mais pour dépanner. Puis Walmart, on oublie ça. Bureau en gros, je ne l'avais pas essayé, mais ça ne m'étonne pas que le résultat soit médiocre. Mais des fois, une photo qu'on prend sur son cellulaire, on fait juste la regarder sur un écran d'ordinateur, bien normal, puis tout de suite, on voit que ça ne sort pas aussi bien que sur mon écran. Non. Ben non, c'est tout compressé. La photo, elle est toute... même la couleur est plus riche que sur un écran. Elle est boostée. Il y a des téléphones que le color scheme de couleur, là, il est vraiment... boosté, trop saturé, un petit peu trop. Puis là, ça donne l'impression que j'ai des couleurs éclatantes sur mes photos. Ou c'est comme sur un Galaxy S7, t'as un écran super AMOLED, justement, qui rend les couleurs plus riches, les noirs plus noirs, puis t'arrives pour imprimer ou pour le montrer sur un autre écran. C'est plus la vraie vie. Ça sent pas pareil, c'est ça. Tu sais, le rouge, des fois, c'est même pas proche. Là, c'est ça. Surtout rouge. Le rouge, ça peut... Des fois, c'est dur, le rouge. Le rouge, c'est dur. J'avais un gris qui est ressorti beige en imprimant aussi. Là. Il était gris à l'image, mais quand tu l'imprimes, il était comme... Change d'imprimeur. C'est ça, mais clairement. C'est ça, t'as un test à la bureau en gros, mais... Donc moi, je fais beaucoup de photos Instagram, donc partout de la ville de Montréal, parce que je passe 50 heures à l'ordinateur, donc je marche. Mm-hmm. Pour un peu m'étirer les jambes et tout. Puis là, je prends mon téléphone, je prends les photos partout. Et en septembre dernier, j'ai un ami qui a écrit pour un magazine français un article sur un ami, sur notre ami, qui s'appelle Tommy Godet de douteux.org. Oui, on connaît. C'est donc un peu une mascotte. il est difficile à expliquer. Il est comme... C'est un personnage. C'est un personnage. Il n'y a aucun filtre, aucune honte, aucun rien. Donc, c'est un portrait sur lui parce qu'il trippe. Il trippe sur les films vraiment de mauvais goût, douteux et tout. Puis mon ami écrivait un livre, Simon Laperrière, qui s'appelle La Nanarophilie. Donc, sur le monde qui aime les mauvais films. Il y a un nom pour ça. Ouais, il y a un nom pour tout. Je sais pas si c'est le vrai terme ou si c'est un terme inventé. Ils m'ont demandé de faire des photos pour le magazine, donc des portraits de Tommy et de son appartement qui est le musée du douteux. Il y a le salon qui est recouvert de d'un morceau de magazine vraiment, avec des, surtout les titres vraiment douteux, étranges, j'ai pas rien en tête. Des posters de films philippins d'action des années 80, Les petits nègres le jardin, il y a le temple du Bacon, donc chip au Bacon, skateboard au Bacon. Okay. Je me suis pris un Nikon, je me suis acheté un Nikon, ça faisait longtemps que je voulais, un Nikon D3300, je pense. Mm-hmm. Mm-hmm. Exactement. Donc, vraiment milieu de gamme, juste un objectif. Puis je me suis dit, je vais commencer à le traîner avec moi, je vais commencer à faire des photos. Mais ça, c'est en septembre, t'as l'hiver qui s'en vient, donc tu veux pas vraiment sortir, traîner ton téléphone avec toi l'hiver. Ouais. Printemps, il mouille beaucoup, souvent, ou c'est plus humide, donc tu veux pas trop traîner ton affaire avec toi. Puis dernièrement, j'ai fait, il y a deux semaines, des photos encore avec Tommy Godet. Il y avait des photos, il y a trois semaines, qui étaient populaires sur le web. C'était un lumberjack canadien, un gars, mettons, de... Un bûcheron. Un bûcheron, Colombie-Britannique. Il appelait ça Doudoir, D-U-D-E-O-I-R. Donc, c'était un bûcheron sexy. Une espèce de boudoir, là, ouais. Bon, donc, un bûcheron sexy, un peu efféminé, avec la grosse barbe, la chemise à carreaux. Il voulait faire la même affaire, mais avec un costume de construction à Montréal, de la construction partout. Ça, je les ai vus. C'était assez génial. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire avec mon Kodak, mon Nikon. Jusqu'au début, j'étais pas très habitué encore avec l'ISO. C'est vraiment trop technique avec mon téléphone. Je touche pas vraiment aux spécificités. Donc, des fois, il faisait soleil, tu changes de bord, il fait plus ombre, tu vas dans la ruelle et tout. Donc, j'ai commencé la misère. J'ai fait la moitié des photos sur le Nikon, après ça, j'ai switché avec mon sel parce que... T'étais plus à l'aise. T'étais plus à l'aise. Puis aussi, tu peux aller plus proche d'une flaque d'eau parce que j'aime les réflexions. Tu peux vraiment te coller à terre. Il y a des avantages avec un téléphone, c'est clair. Là. Des fois, tu peux mettre aussi en envers comme le faire en dessous des escaliers, en quelque sorte, où que je pouvais pas vraiment rentrer. Mm-hmm. Donc, je sais pas, j'avais de la misère à le faire avec... Oui, mais de toute façon, on en reparlera, là, mais normalement, c'est mieux justement de te pratiquer, de t'exercer avec ton appareil pour bien connaître les réglages et compagnie avant de t'en aller sur un shooting photo parce que tu vas arriver, tu vas chercher, tu ne voudras pas faire perdre de temps à l'autre. Puis là, tu deviens nerveux, puis à un moment donné, tu dis « Ah non, ça ne marche pas. » Je l'avais fait à l'intérieur une fois avec le Kodak. Qu'est-ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de ci, donc tu as juste ton affaire, après ça, tu es correct, tu es seté en quelque sorte. Tu contrôles ton environnement, ta lumière. Donc là, j'ai sorti le téléphone à peu près deux fois seulement pour deux, trois shots sur une centaine. Tandis que à l'extérieur, ça vient assez gossant. Des fois, ça devient... c'est ça. Bon, parfait. On a beau être habitué, des fois, ça nous irrite de comment ça peut changer rapidement. Oui, absolument. J'imagine qu'on s'habitue, comme je disais à ma soeur qui a fait beaucoup, elle a dit qu'elle serait jamais capable de le faire avec son cellulaire, ses photos trop cheap et trop ci, trop ça. C'est ça, c'est que ça dépend. Dépendant du résultat que tu vas en avoir. C'est ça, ça dépend. Si tu es dehors avec de la grosse lumière puis que tu es habitué de faire de la photo, tu n'auras pas de problème avec un cellulaire. Parce que, je veux dire, si tu pars de ton appareil photo puis tu vas vers ton cellulaire, ça va aller. En tout cas, François, je sais pas si tu veux... Moi, je partirais pas vers ça nécessairement. Moi, j'allais dire, ce qui est difficile à répliquer avec un cellulaire, c'est les profondeurs de champ. Oui. Tu sais, quand tu veux travailler, tu veux faire parler un sujet en particulier dans ta photo, il faut vraiment que ça soit cadré, vraiment efficacement, si tu peux pas jouer avec les profondeurs de champ. Tu sais. Moi, c'est quand je fais de la photo avec mon sel, c'est ça que j'ai de la difficulté à aller chercher. Fait que faut que je me dise, OK, je pense en plan large. Tu sais. Quand je fais une photo... de cellulaire, c'est toujours en plan large. Fait que là, si je veux faire des plans serrés, ça va me prendre un petit kit d'objectifs que j'ai pas là, pour le cellulaire. Toi, tu as peut-être ça, par exemple. J'ai pris le S7. Il n'y en avait pas vraiment. J'étais à cinq places différentes au kiosque de Bell, un autre kiosque de photo. Non, faut être sur Photo Jojo pour des petits kits d'objectifs. Mais ça upgraderait. En fait, ça donnerait d'autres outils. Si jamais, parce que tu sais, on le sait tous, t'es pas bon, là, tu sais. On avait remarqué, oui. Fait qu'on va t'apprendre comment. Non, mais sérieusement, si je faisais toujours de la photo avec un cellulaire comme toi, j'irais chercher des petits objectifs juste pour changer les perspectives, mettons. Ouvrir plus d'opportunités, plus de choses. Je sais pas. Des fois, pour une photo, t'es content d'aller chercher le sujet qui est un peu plus loin. Tu n'as pas envie de te déplacer pour y aller où tu peux pas. C'est l'autre bord d'un mur, d'un pont. Fait que là, tu as un petit téléobjectif qui va grossir 5 fois ou 10 fois ton image ou quelque chose. Fait que ça peut. C'est des outils juste comme pour t'aider. Mais sinon, moi, ce que je pense, que tu fais aussi par réflexe, c'est que tu vas chercher les photos que tu es capable d'aller chercher. Justement, tu ne vas pas viser la personne qui est inatteignable parce que tu ne peux pas le faire avec ton cellulaire. Fait que tu prends les photos que tu sors sont superbes. Puis c'est, ce que François dit, c'est que si tu avais d'autres objectifs, tu t'ouvrirais peut-être d'autres horizons. Mais peut-être que ça rendrait les choses plus complexes. Peut-être que ça te déconcentrerait d'avoir à penser aussi. C'est sûr. Ben, ça dépend. Moi, je regarde ces photos, je les trouve tellement hallucinantes parce que je pense pas aller faire ça. Les flaques d'eau, surtout que tu dois voir de l'eau ou la moindre réflexion, je suis sûr que tu essaies de faire de quoi. Ouais, c'est comme un petit enfant, mais au lieu de sauter à pieds joints dedans, c'est écœurant parce qu'il en sort là, des photos, tu fais comme waouh. Moi, ça m'inspire. Je te cacherai pas que j'ai fait des shows de télé avec des réflexions. Parce que après avoir vu des photos que tu as faites dans la semaine suivante, je me suis dit. T'sais, il faudrait que j'ajoute ça à mes visuels, des fois, quand on fait des entrevues, puis on fait marcher quelqu'un dans la rue, t'sais, pour couper, qu'on puisse faire un montage, puis ramasser des phrases ensemble, ça prend des images, t'sais, mm-hmm. pour pas qu'on voit la personne sauter d'un plan à l'autre direct. Fait que on appelle ça faire du B-roll ou du visuel. Fait que quelqu'un qui marche dehors, puis il y a une belle flaque d'eau, ben, crime, je l'ai fait. Puis ça a marché, le monde était comme « Ah oui, c'est original ce plan-là ». Je le connaissais. C'était même pas original. Il l'avait copié en plus. Il voulait juste être gentil. On va te dénoncer, François. Ben oui, dénonce-moi. non, mais c'est, je trouve ça génial, justement. Il faut s'inspirer des choses qu'on aime, puis qu'on a vues, puis qui sont intéressantes. Puis que tu aies pris son exemple à lui, ça prouve qu'il y a une valeur là-dedans. Mais c'est clair. C'est super artistique. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. On peut pas toujours faire ça d'ailleurs en télé non plus. Non, c'est clair. Ouais. Juste pour revenir pour la lentille, aussi, qu'est-ce que j'aime avec Instagram puis avec un téléphone qui fait un petit peu peur en quelque sorte avec un appareil photo, c'est qu'avec le téléphone, tu es limité. Tu peux pas vraiment aller plus loin, tandis qu'avec une photo, c'est du temps « Ah, je peux jouer un peu plus avec le focus, je peux jouer faire ci, je peux jouer avec ça. Oui. » Tandis qu'avec le téléphone, tu sais que tu peux pas... Avec le Galaxy S7, tu penses à l'intérieur de 30 cm, tu peux faire un genre de profondeur de champ avec ce qui est proche. Savez-vous, ce qu'il vient de dire me fait penser à quelque chose qui serait bon pour lui pour apprendre peut-être au début, si tu as un objectif prime. Tu sais que tu n'as pas de zoom, tu n'as pas rien. Genre c'est un 50 mm. Un 50 mm. Point. C'est tout ce que tu as. Probablement que justement le fait que tu n'as pas de zoom, tu n'as pas rien, tu as juste ça, ça te ferait un des éléments de moins que tu aurais à travailler, que tu aurais besoin de penser, de réfléchir, tu aurais juste ça. Ça pourrait être pas pire, toi. Puis que ce soit sur Canon ou Nikon, un objectif comme ça, ça coûte environ 125$ pour même peut-être 110. Une 50 mm. 50 mm en APS-C. Là. C'est quoi le nom encore? Ben, objectif 50 mm f1.8. Ouais, tu sais tout ça par cœur. Ah ouais. Ben oui. Parce que nous, on n'est pas artistes comme toi, on est technique. Ouais. Mais c'est parce que ça, ce qui serait le fun, on en a déjà parlé. Tu regarderas dans nos anciens épisodes, on en a déjà parlé dans le passé, mais c'est dans le fond, c'est que ça t'enlève une des dimensions à laquelle tu n'as pas besoin de réfléchir. Ce qu'il faut que tu fasses avec ça, c'est que tu te déplaces. Parce que là, tu n'as pas le choix, tu n'as pas de zoom. Mais c'est comme avec ton téléphone. Toi, tu te déplaces pour aller chercher ton angle, ton endroit, tandis qu'avec un zoom, des fois, on devient paresseux, mais paresseux aussi de façon créative. Mm-hmm. C'est que là, on se dit « Ah, oh, je peux aller zoomer un peu, j'aurais pas besoin de me déplacer », mais des fois, en bougeant, tu dis « Ah, oh, c'est bien mieux comme ça, dans cet angle-là ». Fait que ça, ben déjà, en n'ayant pas à penser « Ah, oh, je vais-tu zoomer ou pas », là, tu t'occupes de… Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Ouais, c'est ça. C'est comme les anciens appareils photo, là, qu'on avait à la pellicule, là, souvent, c'était du 35 mm. Justement, j'ai quelqu'un qui veut me passer un vieil appareil russe soviétique qui s'appelle un Tchaïka 2 de Belomo. Ça a été construit de la 68 à la 73. Oh, mais attends, quand tu vas te faire prêter ça, tu viens nous rendre visite. Oui, c'est clair, on veut voir ça. Nous autres, au moins une photo. En tout cas, envoie-nous au moins une photo quand tu vas voir ça. C'est clair qu'on veut voir ça. Parce qu'en tout cas, apparemment, ça, tu as eu à peu près 3-4 millions d'appareils qui étaient construits pendant les 5 années, à peu près au tournant des années 70. C'est un case en métal assez lourd. Il n'y a pas vraiment le zoom, pas vraiment le focus. Puis la particularité, c'est que ça fait des split screen. Donc, c'est donc ça pellicule et ça fait une double photo. Donc, mettons, tu peux prendre photo là. Puis la qualité n'est pas parfaite comme c'est pas grave. Tout, mais... Mais non, mais ça peut être super intéressant. Ouais, c'est ça, donc, comme ça tu dis, signature, c'est un bon mot, oui. Ça, ouais, définitivement. Donc, ça va être une belle pratique, encore une fois, de... Parce qu'avec les pellicules, c'est des photos surprises. Mm-hmm. On ne sait plus, avec le numérique à cette heure, on sait tout quasiment tout de suite si c'est bon ou pas. Mais... Ouais. Ça a des bons, ça a des mauvais côtés. La pellicule, chaque côté. Ça te force à comprendre l'exposition un peu plus rapidement, sinon ça te coûte cher. Ouais. Tu es exposé tout de suite la bonne façon. Parce que... Pas que ça te coûte cher juste monétairement, mais non, que quand tu n'as pas le résultat que tu voulais, c'est fichu. Là. Ouais, cher en temps. Et en... Oui, en temps, en énergie, et tu n'as pas la satisfaction de ton cliché. Mm. Donc, en tout cas. Mais... On va voir ça dans 2-3 semaines à peu près quand ça donne cet appareil-là. Là. Mmh. Parfait. Donc, je vais essayer de ressortir mon Kodak prochainement. Mmh. Mais si tu as des questions aussi, tu nous fais signe puis ça va nous faire plaisir. Là. En tout cas, moi, là, je ne suis pas vous. Ben oui, voyons. Ben oui. Parfait. Bon, on va faire un petit bloc nouvelle. Qui va commencer, tiens? Christian? Pourquoi pas? Ah oui, donc. Oui, Christian. Les amateurs d'appareils photo vont pas pleurer, mais disons qu'il va y avoir une petite réduction dans la production des appareils photo depuis quelques semaines. Il y a eu un gros tremblement de terre au Japon au début du mois de... Laissez-moi vérifier, parce que c'est pas tout... Avril. Oui, c'est ça, exactement. Au début du mois d'avril. Puis ce que ça a causé, c'est que les manufactures de Sony... ont été obligés d'arrêter complètement de produire des senseurs depuis ce temps-là. Ils sont même pas recommencés encore. Ils devraient recommencer idéalement à la fin du mois de mai, peut-être même encore plus loin que ça. Fait que pour le moment, il n'y a aucune production, quelle qu'il soit, de capteurs. On s'entend qu'il y en a dans tout. Donc dans les Nikon. Exact. Oui. Il n'y a pas dans les iPhones aussi, là, maintenant? Depuis le 6, je pense. C'est possible. En tout cas, dans beaucoup de marques d'appareils photo, c'est en fait, c'est juste Sony. Les appareils photo, parce que je viens de lire justement que pour les téléphones intelligents, sont fonctionnels. Ah, alors, bon. C'est vraiment juste appareils photo. Il y a aussi... c'est 40% du marché. Caméra vidéo aussi. Oui. Professionnels, consommateurs, ils ont un très, très gros marché Sony. Mm-hmm. Fait que ça va avoir un impact, c'est clair. Là. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va changer de quoi ou pas sur les prix. Ça, j'en ai aucune idée, c'est pas clair, mais bon. C'est quand même bizarre qu'elle n'ait aucun backup ou quoi. Ils sont quand même sur une plaque tectonique tremblement de terre assez courante. Sans commentaire là-dessus. Disons que, tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas la place idéale pour construire des manufactures, le Japon. Mais bon, bref, ça a l'air que ça marche de même. Ni des centrales nucléaires, mais bon, on n'est pas des experts. Hein? Là, t'es une mauvaise langue, Stéphane. François, de ton côté, tu nous parles de... Vous rappelez-vous de la Litro? Caméra Litro? J'en ai parlé récemment. oui, je me rappelle que la compagnie a... Bon, arrête de faire des appareils. Je veux juste revenir un peu sur la technologie de cette caméra-là pour ceux qui ne sont pas au courant comment ça fonctionne. C'était vraiment hot. Oui, le principe, c'est de capter toute l'information qui est contenue dans la lumière. OK, ce n'est pas une exposition de couleurs comme une caméra traditionnelle et de d'intensité de lumière, mais c'est plutôt de l'information contenue dans la lumière. Donc, d'où ça vient, où ça va, quelle angle que ça prend quand ça frappe un objet. Il y a une caméra qui existe qui est capable de capter tout ça. Ça prend une image tridimensionnelle, okay? C'est dans une espèce de grille. Donc, c'est vraiment du data tridimensionnel qui est enregistré. Ce que ça permet de faire, c'est de changer l'ouverture, la profondeur de champ après la prise de la photo. Mm-hmm. Parce qu'on a les données 3D de tout l'environnement. C'est un peu le principe de cette caméra-là, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui s'en vient, qui va venir changer des affaires en cinéma. Parce que là, évidemment, eux autres ont décidé de s'attaquer à la caméra vidéo avec ça. Ah, ça, tu vois, c'est une bonne idée. On peut donc changer en temps réel, OK? Quand on fait la lecture de la vidéo qui a été prise avec ce type de caméra-là, on peut changer en temps réel la profondeur de champ, l'ouverture, la vitesse d'obturation. Puis dans la vidéo d'explication qu'ils ont, tu vois quelqu'un qui frappe une boule de billard, puis pendant que la boule se déplace, il change d'obturation. Là, tu vois que ça laisse une trace ou pas. Fait que ça devient comme une boule qui s'étire. Fait que là, on tombe dans le monde de la CGI. C'est eux autres, c'est là-dedans qu'ils travaillaient avant pour les effets spéciaux. En cinéma, c'est avec l'assistance des ordinateurs. Maintenant, les caméras peuvent devenir un effet spécial directement sans coût de post-production. Ben oui. C'est dans l'outil. C'est que tu n'as plus à faire des trucs à l'ordinateur. Ben, pas pour tout, mais bon. Pas pour tout, mais pour ça, justement. Techniquement, c'est l'ordinateur qui le calcule pareil malgré tout, mais c'est juste que c'est, comme il dit, tu as les outils déjà tout intégrés. C'est ça. C'est ça qui est génial. C'est que ça t'ajoute des possibilités avant même de te fier au CGI. Et non seulement ça, mais c'est parce que tu peux le voir temps réel, entre guillemets, on s'entend, là, relativement temps réel, puis ça fait pas ton affaire, tu peux l'enlever, tu peux le changer, ce que c'est difficile à faire avec le CGI, parce que tu fais pas travailler le gars pour rien pour l'enlever par après, là. Généralement, tu sais où c'est que tu t'en vas, puis tu fais ça. Puis, un autre exemple de ce que ça va être aussi, c'est que, étant donné que la caméra capte l'environnement complet, là, l'angle peut être changé. Tu peux dire, OK, quand je suis en train de faire mon montage, je vais décider de changer ma caméra d'endroit. Elle a capté tout ce qui était la pièce 3D. Donc, la caméra peut se retrouver ailleurs. Ça n'a plus d'importance de où la caméra a capté. Wow. Fait que là, c'est complètement fou parce que là, ça vient se connecter directement avec les casques de réalité virtuelle. Tu vas mapper, si on peut dire, un endroit avec cette caméra-là et avec ton casque de réalité virtuelle, tu vas te déplacer dans l'endroit, tu vas pouvoir... Ben, c'est pas généré par ordinateur, non. C'est un vrai environnement. Mais je pense, moi, à la première scène dans la matrice de Matrix, qui a pris combien de caméras ou quoi que ce soit pour faire l'effet quand la scène arrête puis tourne autour de le film, time, là. Ouais, ben, le fameux... Imagine ça, là, tu peux le faire parce que tu peux déplacer ta caméra comme tu veux dans la scène. Exactement. C'est fou. Là, juste, ça casse un peu à la tête, c'est comme waouh. Quand tu y penses, là, ça fait quasiment pas de sens. Ben, moi, je te dis que je veux me préparer à ça. Ouais, parce que moi, ça touche mon milieu, puis je veux pas être en retard là-dessus. Fait que... ben, ça va toucher au cinéma d'abord, je pense. Oui, après ça, oui. Oui, parce que ces caméras-là, ça doit pas être donné. Disons que je veux faire un film, OK? Puis que je voudrais utiliser cette technologie-là. Elle existe, je sais pas, je pense qu'elle est disponible maintenant. Ça coûterait par jour, je pense, c'est 125 000 $ pour louer le kit. Parce que la caméra vient avec une tour qui doit enregistrer toutes ces données. Et voici les données. Oui, c'est ça. C'est l'autre détail que je me demandais, justement. Écoute, c'est une quantité phénoménale d'informations. La caméra, 755 mégapixels, OK, qui est capable de capter. Donc, c'est une résolution de 40K. 40K. Oui, 40K. Et elle peut enregistrer ça à 300 images secondes par-dessus le marché. OK. Non, moi, c'est parce que je vois le nombre de gigabits augmenter de façon assez phénoménale. Mais là, par seconde, OK, on va faire un tour de table. Combien? Moi, je suis rendu en terra. Si vous l'avez vu... Je l'ai vu, fait que je vais fermer moi. Non, je ne l'ai pas vu. Je vais être honnête, je l'ai vu. Combien? Non, mais c'est des téraoctets à la... À la seconde? Non, c'est pas des téraoctets. Non, c'est pas tant que ça. C'est des gigabits. Gigabytes, excuse-moi. Oui, mais non, mais j'allais dire à la minute, mettons. Ou à la minute, oui, tu es au tera. Un tera, peut-être. Tu vas voir que c'est pas long que tu es au tera. Oui. Donc, tu as un semi-indice. Donc, par seconde, ben, je vais vous le dire, c'est 400 gigs à la minute qui doit être enregistré. Voilà pourquoi ils fournissent une tour pour pouvoir enregistrer ça. Oui, mais attends, 400 gigas à la minute, ça prend du stock efficace. 400 gigas à la seconde. À la seconde. C'est pire. Et ça te prend du matériel performant pour écrire à cette vitesse-là? Ben c'est ça. Non, la vitesse n'est pas si pire. Moi, c'est pas ça. C'est parce que fais le calcul vite que même, je veux dire, si tu as une tour assez puissante puis qu'il y a plusieurs disques durs, etc., en tera de, mettons, c'est quoi, c'est les 4 maintenant que tu peux avoir des 4, 6? Oui. Pareil, là, c'est pas beaucoup que 6 tera à 400 mégs la seconde. Là, c'est pas énorme. Là. 400 gigs la seconde. Excuse, c'est vrai, t'as raison. C'est la mauvaise déformation de mon âge. Mais c'est parce que t'as beau créer des raids, des affaires là-dessus, tu peux pas faire 100 tera là, ou rien de ça. Là, t'es pas proche de ça. Là, fait que c'est... En effet, la technologie existe. Mm-hmm. C'est pas évidemment encore consommateur parce que c'est... C'est même pas producteur. Pour bien des producteurs, c'est même pas producteur. Oui, non, c'est ça. Mais on va le voir en quelque part sur quelque chose de gros, c'est sûr, ça s'en vient. C'est là, puis moi, je pense vraiment que ça s'en vient se connecter avec ce qu'on on a déjà touché un peu avec la réalité virtuelle. On touche à la réalité virtuelle. On voit ce que ça peut faire. Je pense que ça va se connecter super facilement. Puis qu'on va sauter des étapes de post-production. Ça va devenir un objet vraiment utilisé. Mais bon, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Peut-être avant. La réalité virtuelle, moi, je pense que d'ici 5 ans, tout le monde va savoir c'est quoi pour commencer. Oui, ça, c'est clair. Et où l'avoir essayé. Peut-être que la litro... Moi, entre autres, j'ai acheté le Samsung Galaxy S7. J'ai précommandé pour pouvoir avoir le casque de réalité virtuelle. Ah oui? Mais en fait, ça fait déjà 2 mois et je ne l'ai pas encore utilisé. Là. Oh. OK. Donc, ça va venir, ça va. Je pense que j'en ai fait assez de ma vie au centre-fi ou à quelques endroits. Donc, je sais à quoi ça ressemble. Puis je ne tente pas de mettre chez nous là, avec mon casque de réalité. Ah, c'est ça, moi. C'est plus là, moi. Ah oui, OK. Toi, tu n'aimes pas ce qui s'en vient, là. Pas que j'aime pas nécessairement ça. J'ai peur un peu pour les yeux, mais en fait, je regarde des vidéos à longueur de journée, donc je suis pas... encore plus, non. Ouais. Mais ça va être plus que de regarder des vidéos, tout ça. Ça va devenir un nouveau lieu de rencontre, ça va devenir Il me vend plus ou moins, moi. Ce que j'aime bien, c'est comme la vidéo que j'ai partagée cette semaine qui s'appelle The Void. C'est une place qui est vraiment, ils ont créé des décors, des choses. T'as le casque, t'as des fausses armes, t'as des affaires. Là, tu vis vraiment dans le jeu, puis tu te déplaces, tu marches, puis ils calculent tout, là. Oui, bien, moi, le HTC Vive là, que j'ai testé à Las Vegas en janvier au CES, c'est exactement ça. Tu étais dans un espace, disons, de 3 mètres par 3 mètres peut-être, puis tu étais comme dans une pièce, et quand tu marchais dans le jeu, puis tu avais des limites imposées. Quand tu voyais l'espèce de grille en bleu là, virtuelle, il fallait que tu arrêtes parce que tu étais près d'un mur. Mais ça va s'en venir comme ça. Oh ouais, ils vont clair. Louer des salles. Il y a encore du travail à faire un peu. Oui, c'est ça l'affaire. Il manque beaucoup de qualité, mais j'ai vu un genre de mini gangbang à porno. Ah oui? C'était quand même assez excitant, juste que c'était pas un endroit pour... mais ça, c'est eux qui vont tout financer ça. Là. C'est l'industrie de la porno qui va financer toujours, ça. Là. Eux autres, comme l'Internet. Ouais. Comme comme la fibre optique, comme tout. Sauf les jeux vidéo. Ouais. Ça n'a jamais pogné. Bon, parfait. De mon côté, moi, je vous parle de Canon qui sort peut-être un peu de ses vieilles pantoufles. J'ai fait un texte, vous pourrez aller le voir sur Branchez-vous. C'est un objectif macro APS-C qui est de 28 mm, f3.5, stabilisé et STM, donc le petit moteur plus silencieux, plus smooth, là, plus fluide, si on veut. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cet objectif-là? C'est qu'il a deux lumières intégrées à même le contour de l'objectif. Deux flashs LED. Ah, OK. Oui. Donc, parce qu'on le sait, souvent en macro, il faut fermer le diaphragme pour avoir plus de profondeur de champ. Mais en fermant le diaphragme, on a moins de lumière. Exact. Là, ben, ça prend de la lumière. Ben, écoute, c'est pas bête, ça. Oui, c'est vraiment pas bête. C'est une méchante bonne idée, mais au contraire, c'est brillant. Parce que ta source est très près de... Quand tu peux faire la distance minimale de focus est à 9,3 cm. Ah ouais, c'est très court aussi. Ouais. Fait que justement, quand tu t'approches, puis à 28 mm là, pour l'objectif, il faut que tu sois proche quand même de ton sujet là, pour faire la mise au point. Mais c'est un flash ou des lumières? C'est deux flashs, mais qui peuvent être utilisés, je crois, en lumière aussi. Là. Puis tu peux les utiliser indépendamment. Et tu as deux réglages, pleine intensité ou demi, ou je ne sais pas trop, si c'est en continu, partielle. Tu peux faire des catch lights avec ça? Probablement. J'ai pas vraiment... Il n'y a pas eu beaucoup d'informations encore, là, parce que ça sort le mois prochain, en juin. Mais ça ne sera pas trop cher. C'est pour justement les APS-C, messieurs, si ça vous tente de redécouvrir votre 7D. Je pense que c'est quelque chose comme 300$, ben, peut-être c'est américain. C'est ça que tu as marqué dans ton article. Je suis en train de regarder en même temps. Bon, lecteur. 300$? Ouais. Ah, bon. Mais ça, je viens de voir la photo, ça va faire une belle lumière dans les pupilles. Ça, ben c'est oui, ça, si tu t'en sers comme catchlight, oublie ça, là, ça va être super intéressant. Mais 28 mm, ça peut déformer un peu le visage, en tout cas. Oui, si t'es prêt. Ouais. Ouais. On verra, il va sûrement y avoir toutes sortes de tests qui vont être faits avec cet objectif-là. Mais je trouvais ça intéressant. 28, l'idée, c'est pas si pire. Ouais, puis, c'est pas si pire avec la PSC et toute l'équipe, ça devrait donner des résultats quand même pas si mal. Oui, bon, oui c'est vrai, c'est pas si mal, mais bon. Puis, petit complément d'info sur Litro, justement, j'en parle dans mon article aussi. Fait que j'ai mis des liens vers le site de Litro et compagnie pour aller voir ça. Là, on revient à Maxime. Maxime, tu viens nous parler justement de ton expérience de passer d'un téléphone vers un appareil photo. Tu en as parlé un petit peu tantôt, c'est peut-être pas toujours concluant, mais... Qu'est-ce que toi, tu as vécu, justement, à part peut-être l'expérience avec Tommy? C'était peut-être Tommy, le problème. Ah, non. Ah, ça, je fais des blagues. C'était correct. Mais non, mais c'est ça. Toi, tu te sers beaucoup de ton téléphone parce que tu es sur Instagram, donc ça serait un peu contre-productif de prendre toutes tes photos sur ton appareil Nikon, de les retransférer dans ton téléphone pour ensuite les publier sur Instagram. Quoique moi, c'est pas mal ça que je fais sur Instagram. Je prends toutes mes photos avec mon Sony. Puis, je les transfère sur mon téléphone. Je les retravaille un tout petit peu dans l'application Galerie, là, ou peu importe. Puis, après ça, je les mets sur Instagram. Mais bon, ça, c'est ma façon parce que je suis pas très actif sur Instagram. Fait que quand je vais faire un petit photoshoot, comme les papillons, j'ai peut-être mis 3-4 photos de papillons sur les 25-30 que j'ai publiées dans mon album. Là. Fait que ça dépend de chacun. Mais toi, c'est quoi ton expérience ou ton feeling que tu as eu? Avec l'appareil, non, c'est vraiment ça. C'est plutôt que c'est encombrant et que c'est la liberté, en quelque sorte, pas la technicité me fait peur. Mm-hmm. Comme il y a beaucoup tantôt de paramètres à changer. Ouais, parce que tu te prends un appareil réflexe, puis tu ne vas pas le laisser nécessairement en mode automatique comme tu ferais avec un cellulaire, parce que là, tu te dis, j'ai plus de possibilités, là, j'ai plus de potentiel. Mais en fait, je le mets au manuel au début, puis après ça, je m'écœure un peu. C'est ça. Et le switch à automatique, plutôt sport, mais en quelque sorte. Tu sais qu'il y a des modes entre les deux. Hein. Il y a des modes de semi... Ben, soit qu'on appelle ça semi-manuel ou semi-automatique, c'est selon. Là. Mais tu as un mode où tu vas juste contrôler ton ouverture, donc ta profondeur de champ. Puis tu as un mode où tu vas contrôler ta vitesse, donc si tu veux faire un flou de bouger ou des trucs comme ça. Puis tu peux laisser ton ISO automatique, tu peux laisser ta balance des blancs automatique aussi pour commencer, là, si tu ne veux pas trop te préoccuper de ça. Tu peux passer étape par étape. Là. Parce que sur les 12 différentes affaires, portrait, sport et tout, tu dois utiliser peut-être du sport automatique et complètement manuel. Je pense le reste... Non, c'est ça. Va pas en mode complètement manuel au début. C'est dur, honnêtement. C'est pas évident. Mais c'est presque plate que de décider d'y aller pour un DSLR. Moi, je t'aurais vu avec quelque chose comme la petite Fujifilm X100. Ça aurait été parfait la pour Fuji, lui, ça. Que Caroline Cloutier a acheté, là, Fuji X100, c'est un appareil de photo de rue, carrément. Ouais. Là. Moi, je voulais avoir une Nikon, absolument. On avait une Nikon quand j'étais jeune. Ah, ben tu vois, là, tu regrettes ton choix. Ah. Entendons-nous, c'est pas parce que tu as un mauvais appareil. C'est loin de là, je suis sûr et certain que c'est un très bon appareil. C'est plus parce que on en parle souvent, des fois, c'est pas l'appareil pour tes besoins à toi. C'est ça l'affaire. Puis moi, je te vois, comme je te disais, je te tombe en amour avec cet appareil photo-là. C'est relativement petit et compact. T'as pas de zoom, c'est un objectif fixe de 24 ou 28, je me rappelle. Attends, le X100? Moi, je pense au X100, ce sera encore mieux pour lui. Ah oui, OK. Encore mieux pour lui, parce que c'est le même capteur que tu as dans ton DSLR, tu l'as là-dedans. Puis, ton image, elle va être superbe. Puis d'ailleurs, les images de ça sont très bonnes. Puis, t'as pas, comme je te parlais, ton objectif fixe, t'as pas à te casser la tête, il est fixe. Fait que tu t'es pogné avec ça, puis tu peux même faire un peu de macro avec, justement, parce que, justement, vu que c'est un objectif fixe, il est prêt, il te permet de faire, je pense, c'est 15-20 de centimètres, fait que c'est quand même pas si mal. C'est pas un téléphone, là, mais tu sais, c'est pas si mal ce que tu peux faire avec. Mais je sais pas sur le X100, mais sur celui de Caroline Cloutier, t'as un mode entièrement silencieux aussi, ce qui est parfait pour la photo de rue. Ouais. Parce que tu peux prendre autant de photos que tu veux, puis ça fait comme sur ton téléphone, t'as pas de bruit de déclencheur. Mais c'est clair que ça aussi, ça aurait été un bon choix. C'est juste qu'il est quand même un petit peu plus gros, là. Ouais. C'est juste ça, là. C'est pour ça que l'autre, il m'avait pensé. Parce que lui, ce qui l'agace, entre autres, c'est la taille. Ouais. C'est ça qui t'agace beaucoup. En partant, oui, parce que puis c'est ce qui agace François, c'est ce qui t'agace souvent aussi. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça. Tu sais, au fond, mon Sony, il n'est pas beaucoup. Ben, le boîtier est beaucoup plus petit que mon 60D que j'avais, mais les objectifs ne sont pas beaucoup plus petits. Sauf que déjà, juste le boîtier, ça fait une différence. Puis ça fait que des fois, si tu n'apportes pas justement ton 70-200, ben, tu es plus porté à la portée parce que tu ne seras pas encombré, tu ne te sentiras pas encombré ou pas trop. Mais si tu vas avec un gros boîtier, puis là, tu te dis « Ah, là, est-ce que j'ai le bon objectif? » Est-ce que... Là, tu commences à t'empêtrer dans ces détails-là. Mais aussi, je dois avouer que je n'ai pas beaucoup magasiné l'appareil. J'étais au Best Buy, j'ai pris l'affaire dans le milieu de gamme, j'étais un peu pressé d'avoir absolument de Nikon. Donc, ouais, on comprend. J'ai peut-être été un peu vite parce que j'avais eu contrôle photo à faire, comme le lendemain à peu près, donc deux jours après. Donc j'ai dit, je vais prendre ça. Mais en même temps aussi, c'est pas vraiment en lien parfaitement, mais avec mon Instagram, je vais avoir mon premier revenu cette semaine avec Tourisme Montréal. Ah, c'est cool. Donc, ça. Cool. Tourisme Montréal, ils ont une trentaine d'Instagrammeurs qui Instagram la ville, qui retweetent leur image, qui invitent au Cirque du Soleil, ouverture d'hôtels et plusieurs affaires. Donc là, il y a quelque chose qui s'en vient cette semaine. Puis je vais essayer de faire des... avec mon Instagram, attirer des revenus ou être invité, mettons, par les hommes... Pas les hommes d'affaires, mais la chambre de commerce de Montréal ou une compagnie. Puis souvent, même s'ils savent qu'Instagram, le trois quarts vient d'un un téléphone cellulaire, ça a l'air plus sérieux avec un appareil photo, avec ton propre appareil. Donc, je commençais à penser un peu à ça quand j'allais acheter aussi. C'est clair. J'ai traîné avec ça, juste que ça reste que j'ai pas magasiné. J'ai pris la marque que je voulais. Ouais, ben, j'ai demandé bien vite. T'as pas fait un mauvais choix pour autant, là, entendons-nous. C'est ça qu'on disait, là. C'est juste, ça a l'air de te créer un peu de d'irritation, mais peut-être tu vas t'habituer aussi. Oui, mais pour justement enlever tous ces irritants-là, ce qu'il faut faire, c'est l'utiliser, mais pas l'utiliser dans des moments critiques ou officiels ou quoi que ce soit, mais l'utiliser au jour le jour, quand tu as le temps. Une fin de semaine avec ou quelque chose comme ça. Quand tu n'as pas de pression. Mm-hmm. Parce que c'est là que tu vas découvrir ton appareil, que tu vas apprendre à l'aimer ou à l'apprivoiser beaucoup plus. Parce que si tu arrives toujours dans des moments critiques, tu vas être frustré, tu vas être stressé, puis tu vas dire non, c'est trop compliqué, j'aime pas ça, puis ça marchera pas. Comme le présentement, le Festival des Tulipes à Ottawa, qui a chaque année, je me dis, je vais y aller. Il y a des centaines de milliers de tulipes dans la ville. Donc, mais vas-y, les tulipes, c'est bougent ça, mais... pas, à moins qu'ils vendent beaucoup. C'est ça que je me demande, est-ce que. Je vais sûrement y aller la semaine prochaine, puis j'arrête pas de passer tous les jours. Est-ce que j'amène mon Kodak avec moi? Est-ce que je l'amène pas? C'est le moment idéal. C'est tout à fait. Ouais. C'est le moment idéal, je pense, parce que tu n'as pas de délai, tu n'as pas de temps limite. Surtout si tu y vas seul, mettons, ou même avec quelqu'un. Mon père, tu lui dis, on se retrouve dans 2 heures. Puis, ça, je fais jamais de photos Instagram. Des fois, chaque du monde, ils disent, ah ouais, ça va être beau. Là, ça ne me prend pas parce que je me sens un peu mal, même s'ils disent, vas-y, commencer à gosser un peu avec la photo. Là. Mais non, c'est ça. Idéalement, si tu y vas seul, c'est parfait. Puis si tu y vas avec quelqu'un, moi, je te dis, tu donnes rendez-vous dans 2-3 heures, puis là, tu pars, puis tu te concentres uniquement sur ce que tu fais. Même je te dirais, je rajouterais ce que Stéphane dit, puis je te dirais, mettons que tu dis, je pars 1 heure, je vais faire ça, puis force-toi pendant 1 heure à ne pas prendre ton téléphone. Ouais. Ça va être dur, on le sait, on en est tous conscients. Tu laisses le téléphone à l'autre personne. Ben, quasiment, juste pour essayer de l'apprivoiser à la bête, parce que c'est pas évident. Il y a quand même un élément qui manque dans l'équation qu'il est habitué de faire, c'est-à-dire que lui... Tout est inclus dans l'appareil. Oui. Tu prends ta photo, tu fais ta retouche photo, puis tu la postes. C'est clair. Oui, mais... non, parce que c'est ça le problème. Mais est-ce qu'il y a le Wi-Fi sur ton Nikon? Non, j'ai même pas pris si de la bonne... Il manque la retouche. Mais non, parce que tu vas dans la galerie. Dans le Nikon? Sur Android? Non. Non, mais il peut pas le faire immédiatement. T'as tout dans la paume de ta main. Non, avec mais moi, c'est ce que je dis que je fais. Là. Normalement, je prends mes photos avec mon Sony, je les transfère par Wi-Fi sur mon téléphone, puis là, je fais mes retouches. Fait que si tu pouvais faire ça avec le Wi-Fi, tu pourrais après ça aller dans Instagram ou dans Galerie, faire tes retouches, recadrer comme tu veux. J'essaie de le faire avec Snapseed. Snapseed, c'est excellent. Puis un autre que j'ai découvert, Aviary. Oui. Qu'est-ce qui est le fun, mais ça marche pas vraiment qu'un téléphone, c'est que tu peux faire noir et blanc. Mm-hmm. Puis après ça, tu fais apparaître la couleur, mettons, juste une place. Ouais. Donc, j'avais fait un Hummer jaune en face du Théâtre La Tulipe, qui tout était noir et blanc, à part le Hummer. Mm-hmm. Donc, je fais mes retouches pas mal avec ça, Instagram par réflexe parce que la photo est déjà comme dedans ou ces deux-là de temps en temps. Galerie. Parce que tu vois, galerie, moi je trouve, c'est juste que même quand je veux faire une photo pour mettre sur Instagram, je la prends jamais avec Instagram. Juste pour avoir, mettons, un peu plus large, avoir mon format pas carré, pouvoir recadrer un petit peu d'un côté ou de l'autre au pire s'il y a quelque chose, mais pouvoir faire des retouches autres que ce que Instagram m'impose ou me limite à faire. Je peux faire des retouches comme je veux. Après, je peux. Tu n'aimes pas ça être limité, Stéphane? Non, moi, j'aime ça aller contre le courant. Puis... non, mais c'est vrai. Puis je vais. Après ça, je vais dans Instagram. Puis là, si je veux mettre un filtre Instagram, je le mets. Si je veux pas, ma photo, elle va être déjà rognée ou recadrée. Ou je la laisse. Si elle est en paysage, je la laisse souvent en plein format. Je ne vais pas recadrer pour rien. Par contre, en format portrait, à la verticale, ça marche un peu moins. Puis souvent, on voit des gens qui vont comme publier une version plus floue, plus large en arrière. J'aime pas vraiment ça. Non, j'aime pas me limiter à juste Instagram parce que c'est ça, ça m'impose un cadre trop... Moi, j'aime être limité. J'utilise Instagram quand il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de passant, il n'y a pas de basic. Mm-hmm. Donc, le cadrage est déjà fait. C'est juste une histoire de millimètres à ajuster à peu près. Mais quand ça bouge, je le fais avec le Kodak parce que avec Instagram, ça bloque en quelque sorte. Tu prends ta photo, puis après ça, ça tombe tout de suite dans le menu des ajustements. C'est ça, dans l'édition. Donc, quand ça bouge pas, je le fais avec directement. Puis là, je touche, j'édite dans Instagram. Mais sinon, s'il y a des bicycles, des passants, des chars, d'un jour dans l'autre. Et là, j'ai plus tendance à aller vers Snapseed, ouais. aviaries que je commence à utiliser seulement. Non, c'est des bonnes applications, pour vrai. Moi, c'est parce que je me casse pas la tête. Là, je vais dans la galerie, puis souvent parce que c'est juste pour rogner ma photo, ou je vais rajouter un petit peu de... Je sais, je me souviens même pas. Des fois, c'est ajouter un petit détail, mais c'est plus pour avoir une petite latitude avec ma photo, là. Mais c'est vrai, c'est ça qui cause problème vraiment, le fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur le, ouais. le codec. Ça sinon, peut-être que j'utiliserais un petit peu plus aussi. Ça ferait, je pense, rendu à 1008 photos sur mon Instagram. Il y en a deux qui viennent au codec. Ouais. Un que j'ai posé genre la première journée que je l'ai acheté, puis l'autre, un autre, je ne sais plus trop, mais il me semble qu'il y en a deux en tout. Deux mois plus tard. À peu près. Là. Mais ouais, mais il se vend un petit module. Tu regarderas si ton appareil est compatible, le module sans fil. Là, tu vois, si tu avais opté pour la X100, là, tu le vois, tu l'aurais le Wi-Fi. Ça va coûter cher. Là. J'ai une pellicule, pas une pellicule, mais un objectif 50 mm. Ouais. Mais le module chose, Wi-Fi, je pense qu'il est 50-60 $. C'est pas si mal. T'es sûr? Il me semble que c'est assez dispendieux. C'est ce que le monde se plaigne souvent le plus. Hein, Gabin, continue à parler. Oui, Christian va chercher. C'est notre recherchiste live dans les émissions. bon, ben parfait. Écoute, mais regarde, moi, je te dis, le conseil numéro un que je peux te donner, c'est utilise ton appareil photo, mais surtout dans des moments non critiques, dans des moments où tu as du temps et où tu n'es pas pressé de rien, tu n'as pas de pression de quelqu'un, de performer pour l'envoyer à quelqu'un, ta photo ou quoi que ce soit. Quand tu fais de la photo pour toi, quand tu es seul, puis quand tu as du temps, c'est là que tu vas apprendre à utiliser, mais à aimer ton appareil photo aussi. Puis une autre affaire, je pensais juste bien, bien vite, petite parenthèse, c'est mettons, c'est avec le téléphone, tu n'as pas besoin de te coucher à terre en quelque sorte. Comme je disais tantôt, je vais faire une photo en dessous des escaliers. C'était ça dans une sortie de construction. Mm. Avec l'appareil, tu vois pas vraiment ce que tu fais. Donc avec mon téléphone, tu ouais. C'était le bras. Okay. Mais ça, c'est une autre chose pour laquelle j'aimais les appareils sans miroir. C'est que souvent, ben là, tu as le live view là, sur les appareils avec miroir, mais c'est que tu peux viser avec ton écran comme tu ferais avec un téléphone, puis l'écran souvent est pivotant. Fait que je peux prendre mon appareil photo, le descendre à hauteur de mes genoux ou plus bas, puis je vois qu'est-ce qu'il y a à l'écran, comme si c'était un téléphone. Puis ça, je trouve ça même merveilleux. Mieux qu'un téléphone. Même mieux. Parce que le téléphone, tu peux pas pivoter l'écran. Non, c'est ça. Non. Fait que c'est encore mieux qu'un téléphone. Quand t'es par terre, pour vérifier ton cadre, à moins que tu le testes là, sans regarder, il faut que tu te places la tête presque à terre quand même. Il faut que tu te mettes à genoux, en tout cas. Je sais pas si tu le fais. Tu changes. Bon, c'est ça, pour pas maganer les pantalons. Mais sinon, une caméra avec un écran pivotant, ça te sauve des positions bizarres. Mais bon, tu sais, Il y a tellement de trucs à penser quand on achète un appareil. Exactement. Que c'est... T'étais pas loin en passant. 70. Ah, tu vois. Bon. C'est à cause du taux de change. Oui. C'est quand même bien, 70. Oui. Bon, parfait. Ben merci beaucoup. Puis, de toute façon, un petit oiseau qui me dit que tu vas revenir pour le prochain épisode. Parfait. Ben merci de ta visite, Maxime. Merci. On va passer au bloc suggestions. Et je pense qu'on va limiter ça un petit peu, les suggestions. Sinon, on va exploser le temps pour cet épisode. Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme suggestion cette semaine? Je vais faire ça vite. C'est une dame, une actrice d'Hollywood qui s'est faite diagnostiquer le cancer du sein à 32 ans. Puis a décidé qu'elle allait montrer un peu au monde c'est quoi d'avoir une mastectomie. C'est pas facile nécessairement, mais c'est beau, puis c'est quand même, tu sais, elle s'assume, là, tu sais, c'est ça, puis c'est ça sa vie, puis c'est ça qu'elle a besoin de faire. Mais je trouvais que les photos étaient quand même très jolies, tu sais, avec bon goût, mais on comprend quand même qu'est-ce que c'est que la femme a à vivre. Je trouvais que c'était intéressant. Parfait. Alors, le lien sera dans les notes d'épisode. François, de ton côté? Moi, dernier épisode, vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un photoreportage sur Cuba. Oui. Ben, j'ai trouvé autre chose qui est vraiment tout aussi intéressant. C'est sur la jeunesse d'une ville, non seulement de par sa population, mais aussi par sa création. C'est une ville qui a été bâtie en 86 à partir de rien. Et puis rapidement, on devait reloger des travailleurs de Pripyat, tu sais, catastrophe de Tchernobyl. Oui. Ben, c'est ça. Donc, on a relocalisé les travailleurs qui devaient rester sur place pour maintenir le site de Tchernobyl. Le reportage photo documente la vie de quelques jeunes, les enfants des travailleurs qui y vivent. C'est saisissant parce que la vie là-bas, ça se consomme à grande vitesse. L'alcool, drogue, les fêtes sans fin. Nils Ackermann, c'est un Suisse, c'est lui le photographe qui a fait ça. Il a suivi la vie de ces jeunes-là pendant 3 ans. Il est allé, il est revenu, il s'est lié d'amitié avec quelques personnes là-dedans. Puis il a pu photographier des photos vraiment là, qui révèlent des aspects très intimes de ces personnes-là. Puis comme il comprenait le but de sa démarche, ben il laissait faire. T'sais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des notes audio de l'auteur pendant qu'on regarde les photos, pendant qu'on flippe les photos sur le site. Oui. C'est vraiment là, c'est à consommer dès que possible. Oui, c'est vraiment très beau. Ouais, ça. Merci de... pour cette suggestion. Ce serait une émission de littérature, je plairais le livre La supplication de Svetlana Alexievitch. Elle a gagné le prix Nobel il y a 2 ans, puis elle a fait un livre qui s'appelle donc sur Tchernobyl, sur les survivants de Tchernobyl. Oh boy. Elle les raconte 10 ans plus tard. Donc beaucoup de femmes, des soldats qui revenaient de la guerre d'Afghanistan, qui venaient au réacteur et qui mouraient de cancer, ceux qui ont été déplacés, les vieilles qui vivent encore là parce qu'ils veulent pas quitter leur maison, qui vivent depuis 50 ans, 60 ans. C'était vraiment très, très... Parfait, très merci. On mettra ça dans les notes d'épisode aussi, pourquoi pas. Ouais. Et de mon côté, il y a un épisode ou deux, on parlait d'un sous-géant qui avait été construit pour faire de la photo. Oui. Moi, c'est l'inverse. C'est un studio, disons, qui se situerait autour de 1900, de l'an 1900, miniature. Donc, un studio miniature. Tout a été reproduit, répliqué, vraiment à l'échelle, mais en miniature... on voit le type en train de peindre à la main là, avec un petit pinceau. C'est vraiment assez intéressant. Mais comme on dit toujours, une image vaut mille mots. Je vous invite à aller voir ça parce que c'est assez difficile à décrire autrement. Mais c'est impressionnant de voir le travail qu'il y a là-dedans. Oh, moi, je capote ces affaires. Wow, ça prend de la patience et du talent. Et du temps. Et du temps, c'est ça. Ben, quand tu as de la patience, c'est parce que tu as du temps, là, généralement. Ouais. Enfin. Alors, on va conclure ce 90e épisode, messieurs. Merci beaucoup, François. Merci. Merci, Christian. Merci. Merci, Maxime. Merci. Fort intéressant. Merci, chers auditeurs. Et au prochain épisode, on va parler de plein de trucs. On va parler de Corel Aftershot Pro 3. On va parler d'effets. Faire attention à certains effets dans Lightroom. pour ne pas les surutiliser. Ouais. Et puis, je vais vous donner des petits trucs pour réussir vos clichés en plein soleil d'après-midi. Tu sais, la grosse lumière dure là, qui crée des ombres contrastées. Là, non, c'est très dur, mais je vais vous donner des petits trucs. En fait, un bon truc, vous allez voir. Et bien, Maxime, je crois que tu vas être de retour au prochain épisode. Je vais être de retour. Excellent. Tu sais, t'as qu'à faire le voyage jusqu'au studio. Exact. Dans le fin fond de Laval. où il y a des ours. Oui. Et voilà. Et des tondeuses. Alors, d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.